En 1651, la situation à Ville-Marie, qui ne s'appelle pas encore Montréal, est désespérée. Cela fait presque 10 ans qu'une centaine de pionniers venus d'Europe ont choisi de s'installer sur les berges du Saint-Laurent, en contrebas du Mont-Royal, afin d'y fonder une ville. Aujourd'hui, ils sont épuisés, découragés. Beaucoup souhaitent rentrer en France. Ils ne sont plus très nombreux à pouvoir encore se battre. La moitié d'entre eux a été tuée par les Iroquois. Le gouverneur de la ville de Québec, qui n'a jamais voulu soutenir la création d'une autre ville, accepte, de bien mauvaise grâce, d'envoyer une poignée de soldats à leur secours. C'est l'hiver. Ville-Marie est à plus de 150 milles de Québec. Il n'y a qu'un seul accès, les eaux dangereuses du fleuve. Pour les derniers pionniers retranchés dans le fort qui commencent à perdre espoir, ce petit groupe de soldats, c'est l'ultime chance de survie.